الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، j'aimerais ici traiter d'un sujet qui a déjà été répété à maintes reprises dans différents audios, à différentes occasions, dans différents tulous, mais histoire de le réunir en un seul endroit pour celui qui voudrait y revenir, biznillah ta'ala, et qui est le fait de nommer Allah Azzawajal par Dieu. Non, c'est un sujet qui est très important, et face auquel beaucoup font preuve de négligence, donc on aimerait aborder ce sujet-là, afin d'éclaircir les gens de la Ummah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Rabbu samawati wal ard, wa ma baynahuma, fa'abuduhu, wastabir li'ibadatih. Il dit, Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui est entre les deux, adore-le donc, et perdure sur son adoration, lui connais-tu donc un homonyme. Dans ce verset, Allah Azzawajal nous montre les trois formes de tawhid. Le tawhid qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette unicité de trois catégories. Et ce verset renferme les trois catégories. Lorsqu'il dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma, Seigneur des cieux de la terre, ce qui est entre les deux, cela c'est le tawhid de la seigneurie, que Allah il a tout créé, celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui contrôle toutes choses dans la création. Fa'abuduhu wastabir ibadati, adore-le et perdure son adoration. Ça c'est tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, qui est le tawhid de l'adoration, le fait de l'unifier dans l'adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu donc un homonyme? Ça, c'est dans le tawhid et asma wa sifat, dans les noms et attributs. Donc là, le shahid, dans cette partie-là, c'est ce qui concerne les noms et attributs. Que Allah Azza wa Jal, il a des noms, qui s'est affirmé à lui-même, et des attributs. Yaqul subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et que à Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec, ou appelez-le avec, ou nommez-le avec. Et délaissez ceux qui blasphèment dans ces noms, ils seront rétribués en mesure de ce qu'ils accomplissaient. Donc Allah, dans ce verset, nous indique bien qu'il a les plus beaux noms, et qu'il faut l'invoquer avec, ou l'appeler avec, ou le nommer avec. Car le fait qu'on le dit « fad'uhu biha », ça vient du verbe « da'a », qui souvent est employé dans le fait d'invoquer, d'appeler, mais il peut aussi également avoir le fait de nommer. Ça me t'accoule, ad'u fulanan bi zayd. Fulan, je le nomme zayd. Comme dans le verset où Allah dit, à propos justement des enfants adoptifs, ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah. Et nommez-les par le nom de leur père. L'enfant adoptif, tu ne peux l'affilier à toi. Donc Allah dans le Coran, il dit justement qu'il faut les appeler, les nommer par le nom de leur père. Et non pas par ton nom à toi, si jamais c'est toi qui les as adoptés. Donc il a dit, ud'uhum li aba'ihim. Nommez-les, appelez-les par le nom de leur père. Donc da'af veut également avoir le sens de nommer. Car des gens pourraient dire le verset, fad'uhu biha, c'est-à-dire qu'on utilise les noms d'Allah les plus beaux que lorsqu'on l'invoque. On dit non, c'est même lorsqu'on le nomme, lorsqu'on le désigne, lorsqu'on parle de lui, on emploie ses plus beaux noms. Et dans le verset, ensuite, il dit, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et délaissez ceux qui blasphèment dans ces noms, qui seront rétribués pour ce qu'ils ont accompli. Donc il dit, يُلْحِدُونَ, on l'a traduit par blasphémer, qui en réalité pourrait être traduit d'une autre façon, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc, الْإِلْحَدْ, qui est le masdar du verbe al-hada yulhidu. Al-ilhad, c'est dans le sens de al-mail, le fait de pencher d'une chose, de vouloir autre chose. Et cet ilhad dans ses noms, comme l'expliquait le ulama, c'est le fait de renier ses noms, ou de les changer, ou de le nommer par autre que les siens. Tout ça, c'est de l'ilhad. Que tu nommes Allah par autre que son nom, que tu changes son nom, ou que tu renies son nom. Par exemple, les mushrikoun, ils ont fait un ilhad en faisant quoi? En nommant leur fausse divinité par un dérivé des noms d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Al-Lat C'est un dérivé de Allah chez eux. Al-Uzza, c'est un dérivé de Al-Aziz, qui est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on sait que les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont tawqifiyya. Ces noms sont tawqifiyya. Ça veut dire que c'est un nom, les noms d'Allah, azawajal, tu ne peux les connaître qu'avec un texte. C'est-à-dire un verset ou un hadith authentique. On ne peut nommer Allah, azawajal, par nos têtes ou par nos compréhensions à nous et nos raisons. Cela demande une preuve légiférée authentique. C'est ça, tawqifi. Donc ce que Allah Azzawajal s'est attribué comme nom, on le nomme avec. Et ce qu'il n'a pas dit, on ne le nomme pas avec. Dans le verset, il dit bien qu'il a les plus beaux noms. Les plus beaux. D'accord? Pourquoi aller délaisser ce que Allah te dit comme étant parmi les plus beaux pour une chose qui est moindre? تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ. Allez-vous donc changer ce qui est moins bien pour ce qui est meilleur? Pour délaisser Allah pour aller dire Dieu. N'a-t-on donc pas de respect par ce nom qui renferme énormément de sens qui même des fois peuvent dépasser notre entendement dû à notre ignorance et notre faiblesse. Allah, le nom Allah, à la cour les sahih, selon la vie le plus authentique, huwa al-ism al-a'zam, c'est son plus grand nom, son nom le plus important qu'il y ait. Dans un hadith de Abdullah ibn Buraïda, rapporté chez Ashab Sunan, عن أبيه رضي الله عنهما قال أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Donc il dit, ce sahabi, selon son père, qu'il est rentré, c'est-à-dire que son père est rentré dans le masjid avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont vu un homme qui faisait la salat. Et dans sa salat, il a invoqué. Il disait, ô Allah, certes, je te demande, par le fait que je témoigne qu'il n'y ait d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de toi, tu es l'unique, le Samad, celui qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas, et celui qui n'a pas d'égal. Il a dit comme ça dans l'invocation. En entendant cela, le Nabi Sassam l'a dit, je jure par celui dont mon âme est dans sa main, qu'il a certes demandé à Allah en l'invoquant par le biais de son nom le plus grand. Ce nom par lequel, lorsqu'il est, on lui demande, il donne, et lorsqu'on l'invoque, il répond. Quand il a dit dans le hadith, ô Allah, il a invoqué par Allah, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé ce nom de Allah comme étant son plus grand des noms. Après, il y a un khilaf, certains ulama invoquent ce sont d'autres noms. Mais ce hadith en lui-même, il est une preuve, un argument qui est tranchant. Ou le nom d'Allah, qui est également, qu'on le nomme, Lafz al-Jalala, c'est-à-dire le terme de la splendeur. Même en grammaire arabe, en nahou, lorsqu'on fait un i'rab, c'est-à-dire une analyse grammaticale, on donne un statut grammatical à un mot, eh ben, on ne dit pas, plutôt, les ulama évitent de dire Allah, mais ils disent Lafz al-Jalala, pour dire qu'en fait, le statut grammatical, on l'applique par rapport au mot, en lui-même. Un exemple, taqul, Ana a'budu Allah. Moi, j'adore Allah. Ana a'budu Allah. Ana, ça va être un mubtada. A'budu, ça va être un fi'l mudari. Et c'est le khabar, en même temps. Et Allah, justement, à ce moment-là, ceux qui connaissent un peu le nahou vont comprendre là où je veux en venir. On dit pas Allah maf'ul bihi, à ce moment-là. Ce n'est pas correct. Mais on dit Lafz al-Jalala, pour dire qu'on parle du mot en fait là, à ce moment-là. On parle du mot en lui-même. Lorsqu'on fait son analyse grammaticale, on parle du mot. Donc ce mot-là, comment on l'a nommé? Allah, Lafz, qui veut dire terme, et Jalala, on t'a dit par la splendeur. On dit Mansoub ala ta'zim, c'est-à-dire qu'il est Mansoub, le fait qu'il est une fatha à la fin. Et comme on dit ala ta'zim, c'est-à-dire, on ne dit pas maf'ul bihi, car là on ne parle pas de n'importe quel mot, on parle de Lafz al-Jalala, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aurait été autre chose, on aurait dit « Maf'ul bihi mansoub » directement. Et les ulama disent, pourquoi on fait cela? Qalu ta'adduban, par respect et bon comportement envers son nom. Donc on ne se comporte pas n'importe comment, même avec le mot en lui-même. Tandis que le mot Dieu, à la base, il y a déjà un article sur le site qui a été écrit par un frère, le frère Foued, Hafidhallahu ta'ala, où il cite en plus en détail le même sujet, mais en rapportant l'étymologie justement du mot Dieu, selon Wikipédia. Et ce mot Dieu, justement, vient de la racine indo-européenne, qui est Dei. Là, je redis en résumé ce que le frère a cité. Dei, qui veut dire briller. Et à la base, c'est une origine qui vient elle-même de la fausse divinité qui était Zeus, dont l'origine c'est Dios, qui elle désignait la lumière du jour, donc la créature. Donc le mot Dieu en lui-même a une origine qui vient d'une chose créée. D'accord? Une chose créée. De plus, on va dire que traduire Allah par le mot Dieu, c'est non seulement une erreur dogmatique, car on l'expliquait au début, ça revient au tawhid. Les noms d'Allah, Azzawajal, ses attributs, on doit l'unifier par cela, le nommer comme il s'est nommé, et ne pas le nommer par autre que les noms qui s'est donné, car ils ne sont pas les plus beaux. Les plus beaux noms, ce sont les siens qu'il s'attribue à lui-même. Donc lui porter un autre nom qui n'est pas le sien, et qui n'est pas parmi les plus beaux, c'est un rabaissement dans son droit. Donc le mot Dieu en lui-même, c'est donc on a dit que c'est une erreur dogmatique, c'est pour cela que ce sujet-là, on insiste dessus, on en parle beaucoup, mais c'est aussi également une erreur linguistique en réalité. Car Dieu, en réalité, le mot Dieu, en arabe, serait ilah, et non pas Allah. C'est le mot ilah. Et sa divinité Dieu, c'est ilah, tout seul. Et Allah, azawajal, on a mis dedans elle, on a rajouté elle, alif et lam. Donc si vraiment on devait traduire le mot Allah, on aurait dit le Dieu. On aurait dit l'adoré. On aurait dit la divinité. Par exemple, parmi ces noms, il y a El-Karim. Il y a une différence entre Karim et El-Karim. Karim, ça peut être attribué pour la créature. Et El-Karim, lorsqu'on le prend dans le sens entier, dans tout ce qu'il englobe comme sens, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Quand on met El, c'est-à-dire qu'on l'a pris sur une chose en particulier qui est désignée. Donc, un nom sans El, ce n'est pas parmi les noms d'Allah azawajal. Comme Arab. Arab tout seul, ça peut être attribué pour la créature. Mais Arab avec Alif et Lem, ça revient à Allah. C'est le Seigneur. Donc, en réalité, Allah, ça aurait été traduit par le Dieu, c'est-à-dire l'unique, le seul. Les koufars, ils aiment bien dire ça. Par exemple, quand ils parlent d'une chose, ils disent le, en le sens sur le pour dire qu'il n'y a que lui qui a cela. Hein? On va dire, par exemple, dans telle école, on a un enseignant. Mais, par exemple, on va dire, Monsieur Fernand, c'est lui, c'est l'enseignant, c'est-à-dire c'est lui le meilleur, c'est lui qui est la référence. Ce le-là, il a une importance pour eux. Et ben, nous, il est encore plus important dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi également, chose qu'on répète souvent, on ne traduit pas les noms propres. Car les noms d'Allah azawajal sont des noms propres également descriptifs. Un nom propre, ça ne se traduit pas. Les noms des villes, les noms des gens, les noms des lieux, tu vas en Amérique, New York, on ne dit pas le Nouveau Monde, on appelle ça New York. Un exemple, toi tu t'appelles Hakim. Ton prénom c'est Hakim. Imagine-toi quelqu'un, dès qu'il te voit, il te dit, Hakim ça veut dire sage en français à peu près. Dès qu'il te voit, il te dit, hé sage, viens me voir. Hé sage, comment tu vas? Hé sage, quoi de neuf aujourd'hui? Tu vas dire, il se moque de moi celui-là. Tu dis, mon nom c'est Hakim. Donc, comment avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se permet d'agir de la sorte? Nous, en tant que créature, on trouverait ça comme une offense envers notre personne. Et avec cela, on va l'appliquer sur notre Seigneur. Je fais une rectification également. J'ai fait une erreur lorsque j'ai fait mon audio sur l'APBIF, qui sont les Arbèches. J'avais dit par exemple Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, il n'y a personne qui le traduit. Son nom a été dérivé, ils l'ont appelé Mahomet, les koufars. Mais la traduction en soi, personne ne traduit son nom. Il dit Mohammed, qui à la base veut dire le très loué. Et moi j'avais dit le plus loué à l'époque. Donc en réalité, la traduction serait plutôt le très loué. Celui qui reçoit beaucoup d'éloges, beaucoup de louanges. Et ça, Mohammed. On l'appelle Mohammed. Celui qui s'appelle Abdullah, on l'appelle Abdullah, on dit pas serviteur d'Allah. Celui qui s'appelle Saleh, on l'appelle pas pieux, on l'appelle Saleh. Dans les coutumes des gens, on ne traduit pas même les terminologies, style ahat, dans leur jargon et dans leur vocabulaire. Il y a plein de choses qui sont employées par les gens au quotidien dans d'autres langues et qui reviennent dans leur, on va dire, dans la langue d'origine et que les gens connaissent et ne traduisent pas. Par exemple, football. Personne ne dit balle au pied. Tout le monde appelle ça football, c'est un mot anglais. Dans tous les pays, basketball, ils appellent comme ça. Ils disent pas balle au panier, ils l'appellent basketball. Ils traduisent pas. Au basket, un dunk, lorsque tu rentres la balle en sautant avec ta main dans l'intérieur du panier. Tout le monde l'appelle comme ça. Le marketing, ce qui à la base veut dire commercialiser ou le commerce. Les gens disent marketing, ainsi de suite. Même chez les homosexuels, aujourd'hui, ils veulent plus que tu l'appelles homosexuel, ils disent tu l'appelles gay. Et gay, c'est un mot anglais. Ou ils ont ce qu'ils appellent, lorsqu'ils font leur déclaration, après avoir caché leur sexualité, ils appellent ça un coming in ou coming out. Je ne sais plus comment on dit. Même ça, ils n'ont pas trouvé l'équivalent en français. Ils appellent ça, même en français, avec ce terme-là. Aujourd'hui, là, avec le Covid-19, le coronavirus qui se propage, même en France, ils emploient des termes anglais, par exemple, qui s'appellent un cluster, pour dire un nouveau lieu, un nouveau foyer d'où l'épidémie commence à se propager. Ils ont pris un mot anglais et ils l'emploient aussi, parce que les gens vont comprendre ça veut dire quoi. Qu'à la base, c'est une grappe ou c'est un groupe d'une chose. Pourquoi? Car les mots dans une langue, dans sa langue d'origine, ils sont plus expressifs. Des fois, tu veux le traduire, ça ne passe pas en traduction. Dans sa langue d'origine, c'est plus expressif, ça mène plus au sens voulu, à l'objectif. Donc les gens laissent le mot tel qu'il est, même dans une langue. Quand tu es en formation, on t'explique ce que le mot veut dire. Mais après, les gens emploient tout en ce mot-là. On continue et ça rentre dans la tête des gens, ils ont compris ça veut dire quoi ce mot-là. Donc pour ceux qui disent que eux disent Dieu pour la da'wa, d'accord, pour appeler les gens qui ne sont pas entrés en islam, ils emploient le mot Dieu. On dit, cette illa, ce prétexte, il est batil. Il est pas correct. Il est faux. Car, Wallah, et tout le monde sait qui est Allah Azawajal. Et tout le monde sait de qui il s'agit. Donc, tu n'as pas besoin de le traduire. Rarement, tu verras quelqu'un qui te demandera, ça veut dire quoi, le mot Allah. C'est quelqu'un qui voudra se renseigner, se cultiver. Mais quand tu dis Allah, il sait de qui tu parles, tout de suite. À part peut-être des indigènes qui sont dans des contrées perdues, loin de la civilisation ou d'ailleurs, mais ces gens-là ne comprendront ni Allah ni Dieu de toute façon. Donc, quoi que tu dises, ils vont pas comprendre ce que tu vas leur dire. Mais donc pour dire que tout le monde sait dans tous les pays du monde, Allah, tout le monde sait qui il est. Tu vas en Chine, tu dis Allah, ils vont savoir c'est qui Allah. Tu vas aller en Inde, tu dis Allah, ils vont savoir c'est qui Allah. Tu vas aller en Amérique, tu dis Allah, ils sauront c'est qui Allah. Tu vas en Espagne, ils sauront tous c'est qui Allah. C'est un mot, il est connu par tous. Le mot Dieu, il ne l'est pas. Donc pourquoi aller changer le mot le plus grand pour un mot qui est plus petit? Ça ne sert à rien. C'est un takalluf, inutile. Donc, par contre, dans ce sens-là, des ulémas ont dit, si quelqu'un, par exemple, ne sait pas de quoi tu parles, tu peux lui expliquer, traduire le mot Allah en donnant le sens approximatif en français. D'accord? Dans lequel il y a besoin de faire un éclaircissement. D'accord? Tout comme on peut le faire pour le nom des prophètes. Par exemple, tu dis Issa, vous l'appelez Jésus. Moussa, vous l'appelez Moïse. Nour, vous l'appelez Noé, ainsi de suite, pour qu'il sache ce que tu dis. Mais en réalité, à la base, il le sait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le dises à tout bout de champ. Quand tu parles, Dieu il a dit, Dieu il fait, Dieu il veut. Non, c'est plus la peine. Tu l'expliquais une fois, il sait. Pas besoin après de continuer avec ça. Et d'ailleurs, justement, au moment où tu l'expliques, il te demande c'est quoi Allah, le sens, c'est une occasion, yani, on va dire, vraiment donnée pour rentrer dans le tafsir, dans le tawhid, pour mettre en évidence que le nom d'Allah Azawajel implique justement de l'unifier dans la nomination et dans l'adoration. Pourquoi? Car le mot Dieu, c'est un mot qui est variable en genre et en nombre et en situation. D'accord? Allah, il n'y a pas ça. Dieu, tu vas dire une déesse, tu vas dire des dieux, ainsi de suite. Ce qui prouve que même le nom en lui-même, il a une connotation qui amène au polythéisme, qui amène à apporter des droits d'Allah à les accorder à sa créature. Alors qu'Allah, tu ne peux pas, ça n'existe pas. Le mot Dieu est appliqué sur des fausses divinités. Allah, jamais. Jamais. Combien de gens vont te dire, ça, c'est le Dieu de telle chose? Ou les femmes vont dire, oh, lui, il est beau comme un Dieu. Ou ils vont dire, c'est une déesse dans telle chose, ainsi de suite. Avec Allah, est-ce que tu l'as déjà entendu? Jamais tu l'as entendu. T'as des noms dans l'Arzajil, ils sont mouchtalika, c'est-à-dire on peut les employer pour autre que pour lui. Mais le nom Allah, parmi ces noms qui ne sont employables que pour lui. Uniquement pour lui. Et ces noms et attributs sont incréés. Les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs sont incréés, ils sont de lui. Alors que le mot Dieu, il a apparu quand? Entre le 11e et 12e siècle. C'est un mot qui lui-même il est créé et c'est un mot qui lui-même qui est variable et c'est un mot qui peut être amené à changer par la suite. avec le temps. Et ceux également qui parlent de Dawa, soi-disant, ont dit, Tayyib, quand vous parlez avec des gens d'autres religions, ou vous parlez des autres religions, est-ce qu'on vous parlez des autres divinités? Bouddha, Athéna, Zeus, vous ne les traduisez pas. Les gens eux-mêmes, un bouddhiste, il va pas traduire Bouddha par l'éveillé ou quoi. Les gens qui ont leur religion, lorsqu'ils parlent de leur religion, ils traduisent pas le nom de leur divinité. Pourquoi nous, les musulmans, on va se rabaisser à le faire? Les adeptes des fausses religions ne le font pas. Nous, les gens du Haqq, serviteurs de la seule et unique divinité en droit d'être adorée, nous allons le faire. Et en plus, des gens qui, malgré qu'ils prétendent que ce soit pour la darwa, même avec des musulmans, ils parlent, ils disent Dieu, ils disent pas Allah. On dit, il est où le problème? Pourquoi tu n'arrives pas à dire Allah? Tu parles à ton frère et tu dis Dieu. C'est quoi le problème? Ma qadarullahu haqqa qadarihi inna Allah la kawiyun aziz. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur et Allah est certes fort et puissant. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et cela du fait que celui qui justement sublimise ou qui exalte les symboles sacrés d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. سبح اسم ربك الأعلى. Et purifie le nom de ton Seigneur le plus haut. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Et cite le nom de ton Seigneur matin et soir. Lorsque Allah dit cite son nom, c'est quel nom dont il parle? C'est plus beau nom. Et ce n'est pas Dieu. Donc c'était là où je voulais en venir par rapport à ce sujet-là, de façon résumée, car on pourrait en dire encore plus, mais cela amènerait à allonger l'audio, et ceux qui veulent plus de détails par rapport à cela, qu'ils apprennent leur religion, leur aqidah, leur dogme, et dans les asma wa sifat, et ils comprendront cela d'eux-mêmes. Donc c'est un sujet qui est dogmatique, il ne faut pas croire que c'est un sujet qui est lié à une chose qui est linguistique, c'est dogmatique également. فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا بِيَدَ الْقَوْلِ فَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين.